Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. La pilule du lendemain avec Marc et Sylvain. Semaine de travaux et d'études, ou plus communément appelée semaine de relâche. Mais une personne qui ne fait pas relâche, c'est Mademoiselle Sophie Laforêt. Sophie, bonjour. Bon matin. Comme ça, c'est pas une relâche pour toi. Eh non, j'ai opté pour la semaine de lecture et d'études. Pas de relâche. Pas prendre de retard. C'est super important. Sophie, tu nous présentes ce matin une rétrospective des meilleurs albums de l'année. Oui, donc tout juste avant les sorties CD de la journée, oui. Seulement deux sorties qui ont attiré mon attention, parce que là, ça diminue. On dirait que le mois de septembre, octobre, ouais. Amène plus de sorties, mais là, ça se calme. Même les nouveautés ici, je cherchais ce matin, là, parmi les nombreuses nouveautés qu'on reçoit, il n'y a rien en francophone. Ce sont tous des formations anglophones. Du côté francophone, on n'a rien reçu, je dirais pratiquement depuis au moins la dernière semaine. Oui, depuis un bon moment. Puis les deux sorties que je vous propose ce matin sont anglophones aussi, okay. Dans le même sens que toi. Donc, formation, ou plutôt le projet musical CFCF, qui est le projet de Mike Silver de Montréal, un album électroacoustique ambiant. Puis sinon, on a Devendra Banhart, qui est un artiste plus connu sur la scène indie, donc avec un huitième album, What Will We Be, dans le folk psychédélique. Puis je vais sûrement en parler dans les prochaines semaines parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Donc, c'est les deux sorties que je propose. Puis sinon, du côté musical, comme tu le mentionnais, oui. Justement parce qu'il y a moins de nouveautés, j'ai décidé d'opter pour de commencer tranquillement une rétrospective des meilleurs albums de l'année. Donc, ouais, parce que c'est pas rien, là. Mais... les albums de l'année. Il y en a eu une multitude. Il y en a eu vraiment plusieurs. Puis de mon côté, autant du côté franco qu'anglo, fait que je vais essayer de varier. Okay. Donc le premier que aujourd'hui, dans le fond, que je vous présente, c'est le dernier album de la formation Grizzly Bear. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça va être une introduction aussi à cette formation-là. Donc comme à l'habitude, on va entendre deux pièces. On va commencer tout de suite par la pièce Two Weeks de leur dernier album Vika Time Mist, formation Grizzly Bear. On écoute ça immédiatement à la pilule du lendemain. Grizzly Bear. Grizzly c'est Bear. Pas vilain. On aime bien, c'est mélodique, des petites balades comme ça. Ben oui, ben moi en tout cas, j'aime ça. Ça tombe dans mes cordes. Oui. Donc, l'album dont on parle, dont il est question aujourd'hui, c'est leur troisième album, Vecca Timest. Et ça s'écrit drôlement, mais ce que j'ai lu sur Internet, c'est que c'est une île du Massachusetts qui porterait ce nom-là. Donc, Vecca Timest s'écrit V-E-C-K-A-T-I-M-E-S-T. Donc, pour visualiser le mot. Et c'est un album qui est paru le 26 mai dernier, 2009, donc. Puis, c'est une formation qui nous vient de Brooklyn, à New York. Formation qui fait dans l'indie rock expérimental. Cette pièce-là est quand même accessible, mais pourquoi expérimental? C'est que, côté musical, vraiment, c'est de la musique recherchée qui sort de l'ordinaire quand même. Là, quand on écoute l'album entier, y a des pièces qui sont encore plus complexes que celles qu'on a entendues. Puis, la voix de Daniel Rawson, là, le chanteur, est vraiment belle, donc sur toutes les pièces aussi. Là, je ne sais pas si tu as aimé particulièrement la voix. Très belle bien. Voix douce. Puis les deux pièces qu'on va entendre aujourd'hui, donc celle qu'on a entendue, Two Weeks, puis la prochaine qu'on va entendre là, à la fin de mon petit topo, font partie du palmarès des 500 meilleures pièces depuis le début des années 2000, qui est fait par le magazine Pitchfork, qui est un magazine de critique musicale américain très reconnu. Donc, quand même, 500 pièces depuis les années 2000, quand on est rendu en 2009 et qu'on réussit à s'insérer dans ce top-là. Donc, à mon avis, c'est que c'est vraiment un album qui est bon. La pièce qu'on a entendue, je pense qu'elle se place là, autour de la 160e, puis celle qu'on va entendre tantôt se place autour de la 360e, si je me rappelle bien. Puis, pour ceux qui aiment les formations Animal Collective, Deer Hunter, Fleet Foxes, qui sont dans cette même vague d'indie rock, ça s'inscrit aussi dans cette vague-là. Puis, c'est un rock qui est accessible, original. Puis, contrairement à d'autres albums où parfois on aime certaines pièces, cet album-là est vraiment excellent en entier. C'est-à-dire que d'une pièce à l'autre, là, ça se passe vraiment bien. C'est vraiment excellent. Puis, sinon, pour ceux qui ont aimé ce qu'on a entendu de Grizzly Bear, il y a la formation aussi Department of Eagle, qui est aussi l'autre formation du chanteur Daniel Rawson. Donc, c'est plus folk, plus acoustique, un peu moins explicite, un peu moins d'arrangement. Mais c'est vraiment aussi un très bon album pour ceux qui ont aimé. Je cherche la pièce ce matin. Ici, voilà. Bon. Merci, Sophie, de ton aide. Ça me sauve la vie, in extremis. On aime ça, se rendre service comme ça. C'était pas là. C'est ça le travail d'équipe, Marc. OK. Ben, écoute, ce qu'on va entendre, tu nous rappelles? Oui, c'est une deuxième pièce du même album. La pièce s'appelle While You Wait for the Others. Et c'est donc une pièce de Vecca Timest de Grizzly Bear. Bon, on a un petit problème, Sophie, c'est que la pièce précédente joue encore. Je vais te laisser t'occuper. T'occuper de pouvoir qu'on puisse entendre cette fameuse pièce. Ça m'en prend pas gros, hein, pour me perturber. C'est le matin, il faut me pardonner tout de même. On est prêt à entendre ça, Sophie? Ah, c'est ça. Pas évident. Ah, la voici, la voilà. Ça s'intitule While You Wait for the Others. The Grizzly Bear, on écoute ça immédiatement, la pilule du lendemain. To make it all worthwhile. All your useless pretensions are weighing on my time. You could beg for forgiveness. As long as you like, or just wait out the evening, you'll only lead me dry. Yes, you'll only lead me dry. So I'll ask you kindly. Grizzly Bear, while you wait for the others. C'est ce que nous présentait Sophie Laforêt ce matin parmi sa rétrospective des meilleurs albums de l'année. Donc, rétrospective que Sophie débute aujourd'hui. On poursuivra jusqu'à l'aube du temps des fêtes. OK. Très, très bien. Moi, j'ai... en tout cas, je ne sais pas si vous avez apprécié, mais moi, je ne connaissais pas et j'ai drôlement apprécié. Sophie, tu avais quelque chose à ajouter, ma chère. Mais écoute, Marc, oui? Pour ton grand plaisir, oui? Je voulais te dire la note que je donne à cet album-là. Ah! Ben là, je ne savais pas, tu sais, vu que tu t'entames une rétrospective, qu'on est plus ou moins dans la critique comme telle, ben je me dis, bon, donne pas de note, trouve ça bon. Oui, non, mais là, en plus, j'ai pensé à toi, tu vois, en me disant, il y a moins de sorties, puis tout ça. Je voulais dire que je donne 4,5 à cet album-là. Écoute, mais là, c'est la rétrospective des meilleurs albums de l'année, mais quand même, je voulais dire, c'est vraiment un bon album. Alors, on dit, comme on dit communément, fais-le, toi, 4,5. Oui, 4,5, rien de moins. Aïe, aïe. Bon, ben. Ben, je suis emballé. Bon, mais je suis contente. Je suis emballé, c'est le high score. T'attendais le cap du 4 sur 5 depuis longtemps. Ben là, on était plafonné à 3,5. Ben là, on était plafonné, dans le fond, t'sais. La formation aussi, elle mérite un 3,5. Ben, c'est bien aléatoire, là, t'sais, de donner une note, une cote sur 5. C'est personnel aussi. Tu sais, on le dit, on ne le dira jamais trop souvent. Tous les goûts sont dans la nature. Nous, on peut très, très bien apprécier cette formation-là ce matin, alors que d'autres, bon... C'est moche. Oui, c'est pour ça qu'il y a divers styles musicaux. Voilà. OK. Merci beaucoup, Sophie. Demain, tu nous parles d'une sortie cinéma. Oui, donc je vais vous parler du film Where the Wild Things Are, ou plutôt, ben ça c'est la version originale anglaise. En français, vous avez peut-être vu ça, Max et les Maxi Monstres. Donc j'ai vu ça vendredi, je vous en parle demain. OK, demain à compter de 8h15. La déçue, Sophie, on va te souhaiter une excellente journée. À toi aussi, Marc. Pas trop de travail, là, juste assez, semaine juste de assez. Travaux et d'études. Bonjour, M. Blais. Debout, là. Il est 7 heures. C'est l'heure de prendre votre pilule. Oh boy, ouais, c'est bien vrai, ça. Oubliez de prendre ma pilule du lendemain. Ma merveilleuse pilule. La pilule du lendemain, c'est ton émission du matin. 2 heures d'information, de culture, de sport et de divertissement. Tout ça agrémenté des palmarès de Cifou. La pilule du lendemain, c'est du lundi au jeudi, de 7h à 9h. La pilule du lendemain est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. La pilule du lendemain, c'est l'ultime remède.